Je donne pas aux filles de la rue même. Si elles me disent, et je t'emmène au Paradis-Chêne, je préfère rester sur terre. Il est là, mon univers. Et si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ah, rien à faire. Je donne pas au curé dans la rue même. S'il me dit, mais pense au paradis mon fils, je préfère pêcher sur terre. Je suis un loup dans mes repères. Et si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ah, rien à faire. Dans la rue même, s'il me dit, et c'est la montre, ça c'est direct le paradis ça. Je préfère noyer dans la bière, avec toujours un fond de mer. Et si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ah, rien à faire. Même s'ils me disent tu vas pour moi, le paradis pour toi, je préfère garder ma voix pour dire je t'aime à ma petite nana. Et si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ouais, si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ouais, si c'est ça l'enfer, moi je me dis, rien à faire. Tu vas pour moi, le paradis pour toi. Je préfère garder ma voix pour dire je t'aime à ma petite nana. Et si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ouais, si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ouais, si c'est ça l'enfer, moi je me dis, ah, rien à faire.